Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez un peu trop de jouets, une paire de ciseaux, un couteau, des colliers et vous obtiendrez la fugue des jouets. Léo a des centaines de jouets. Tous ses copains l'envient. Léo a aussi une drôle de collection de colliers. Des dizaines de têtes de jouets y sont enfilées. Ce sont des trophées. Des jouets trop vieux, cassés ou qui l'ennuient. À chaque fois, il prend un malin plaisir à sortir sa paire de ciseaux et, quick, faire tomber une tête. Lorsque c'est trop dur avec des ciseaux, il sort un gros couteau et clac, une tête roule. Avec ça autour du cou, Léo se prend pour le roi des jouets. Mais un jour, alors qu'il rentre de l'école avec sa bande, il trouve sa salle de jeu vide. Tous ses jouets ont disparu. Posé au sol, il trouve une lettre. « Cher Roitelet, nous en avons ras la casquette de ta manie de couper les têtes de ceux qui t'ennuient. Nous partons trouver des enfants qui sauront s'amuser avec n'importe quel jouet, qu'il soit neuf, vieux ou déglingué. »